L'enseigne des hauts faits du général Kim Jong-il vient d'être installée au grand magasin Megatitan à Ulan-Ude, Russie, à l'occasion de son jour anniversaire. On y a inscrit en coréen et en russe Kim Jong-il, secrétaire général du Parti du Travail de Corée, président du Comité de la Défense Nationale de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a visité le 24 août 2011 le grand magasin Megatitan. La cérémonie de dévoilement a eu lieu le 8 sur place. Y étaient présents les personnalités telles que le premier maire adjoint d'Ulan-Ude de la République des Bouriassis, le consul général adjoint et le consul coréen à Khabarovsk et autres cadres intéressés. L'enseigne a été dévoilée aux applaudissements des participants avant la remise des corbeilles et bouquets de fleurs.